Vous souvenez-vous du bulldozer de Vitry? Le 21 décembre 1980, 320 migrants maliens qui étaient logés dans un foyer de Saint-Maur-des-Fossés furent déplacés vers le foyer Manoukian à Vitry-sur-Seine. Paul Mercieca, le maire communiste de la ville, protesta contre cette décision en dénonçant une politique qui visait à concentrer les foyers d'immigrés dans des communes de gauche. Quatre d'entre eux avaient été ouverts à Champigny-sur-Marne, trois à Vitry-sur-Seine, mais aucun à Charenton-le-Pont ni à Nogent-sur-Marne. Le 24 décembre, le maire, accompagné de plusieurs dizaines d'habitants, pénétra dans le foyer Manoukian. Les alimentations en eau, en gaz, les systèmes de chaufferie et le téléphone furent mis hors d'état de marche et un bulldozer détruisit le perron du foyer. Cette intervention sauvage provoqua un formidable scandale. En l'espace de 3 semaines, la presse nationale lui consacra plus de 150 articles. J'ai choisi d'évoquer cet événement aujourd'hui pour rappeler à ceux qui l'auraient oublié que la question de l'immigration a toujours été un enjeu important dans la vie politique française, surtout dans les périodes électorales. À quelques mois des élections présidentielles de 1981, dans un contexte marqué par de fortes rivalités au sein de la gauche, la direction du PCF avait voulu, par cette opération spectaculaire, envoyer un signal auprès d'une base populaire confrontée aux difficultés que provoque, surtout en période de crise, la cohabitation entre des groupes aux origines différentes. Avec le recul, on peut y voir le comportement désespéré d'un parti ouvrier en déclin parce qu'il n'avait pas réussi à faire une place aux nouvelles composantes de l'immigration. Étant donné que la grande majorité des électeurs du Parti socialiste appartenaient aux classes moyennes, ils n'étaient pas confrontés aux mêmes contradictions. Ces dirigeants purent donc exploiter cette affaire pour peaufiner leur image humaniste. Les communistes ont reconnu, après coup, que cette opération avait été une erreur. Loin de mettre un terme à leur déclin, elle l'a précipité. Au premier tour des élections législatives de 1973, le PCF avait recueilli 21,4% des voix, devançant le Parti socialiste, 19,1% des voix. Aux législatives de 1981, le rapport de force fut définitivement inversé, puisqu'à peine 16% des électeurs étaient restés fidèles au Parti communiste, alors que 36% d'entre eux avaient voté pour le Parti socialiste. Le maire de Vitry avouera, 16 ans plus tard, qu'il n'était pas partisan d'utiliser une telle méthode, mais qu'il avait été contraint d'appliquer la décision de la direction. On comprend qu'il se soit senti mal à l'aise en prenant la tête d'une opération contre des travailleurs immigrés, puisque Paul Mercieca était lui-même le fils d'un docker d'origine maltaise, mort en 1939 dans un accident du travail. Paul, qui débuta sa vie active comme ouvrier agricole, puis comme menuisier, est un parfait exemple du type de promotion sociale qu'a favorisé l'engagement dans les rangs du Parti communiste. Ce qui explique sans doute que, malgré ses réticences, il n'ait pas pu s'opposer à la volonté de Georges Marchais, le secrétaire général de son parti.